Merci d'écouter La Première. Voici tout de suite Histoire vivante. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Cette semaine, récit d'ailleurs. Il faut dire une chose importante. I think it's fun to be a journalist. C'est amusant d'être journaliste. Des voyageurs aux reporters. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Une histoire en renouvellement. Je crois que gamin, j'étais fasciné par l'idée d'enregistrer des choses avec les yeux. On avait le dessin des principales côtes des continents et des principales îles dès les alentours de 1800. Et qui c'est lui ? C'est le journaliste britannique, Robert Fisk. Il me faut quelques informations. On a une autorisation. Montrez-lui. Sylvain Vénère, troisième émission en votre compagnie. Merci d'être resté nous expliquer et nous raconter tous ces objets historiques. Je renvoie les auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de tomber sur les deux précédents entretiens. Je vous avais demandé dès lundi d'où ça venait votre goût de l'histoire. J'ai un élément de réponse. C'est que, notamment, votre goût de l'histoire vient de votre goût de raconter l'histoire et de la raconter véritablement comme un conteur. Est-ce que vous prenez en compte cette dimension de l'oralité comme importante dans la transmission ? C'est essentiel dans mon métier d'enseignant, bien sûr. Ça s'entend, hein, si je puis me permettre. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de réfléchir à la façon dont on peut inventer des façons d'écrire qui soient un peu plus originales, un peu plus entraînantes, qu'on le fait parfois dans des livres d'histoire qui peuvent être un peu encyclopédiques. À titre personnel, je fais les deux. Hein. Je fais des livres d'histoire qui sont un peu encyclopédiques et de temps en temps, je tente autre chose. Mais cela dit, on a l'air d'évoquer une évidence, et finalement je pense que on ne la nomme pas assez. En quoi est-il important que le Pékin moyen, ou la pékinoise moyenne, soit rendu sensible à ces questions-là ? Eh ben d'abord parce qu'elles envahissent l'espace public. C'est-à-dire qu'on est quand même tout à fait fasciné, quand on est un professionnel de l'histoire, de constater que l'histoire, tout le monde en parle. Et il n'y a pas de raison d'imaginer non plus que l'histoire soit réservée aux historiens. On a bien le droit de s'intéresser à l'histoire quand on n'a pas fait d'études d'histoire. Et ça se traduit d'ailleurs de bien des façons par des gens qui parfois appartiennent à des associations locales ou qui rejouent des batailles de la Première Guerre mondiale ou de l'époque napoléonienne ou qui refont des soirées en costume. Enfin, il y a plein de façons de s'approprier le passé, bien entendu. L'histoire, c'est une maison ouverte. Simplement, quand on est le spécialiste d'un petit secteur de l'histoire, puisqu'en général les historiens sont spécialistes de petits secteurs de l'histoire, on peut être un peu troublé, voire un peu énervé par des erreurs, des simplifications. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Est-ce qu'on prend notre stylo rouge et qu'on va aller corriger les copies des autres ? Je vous recommande la fléchette, des fois ça marche. Ou est-ce qu'on peut se dire, tentons d'intéresser nous aussi à partir de poétique originale, nos contemporains, au savoir tel qu'il est élaboré à l'intérieur des universités. Moi, j'avais écrit il y a quelques années, et j'étais d'ailleurs très content de ce que ce livre était bien reçu par la profession, justement, un livre d'histoire sur la conquête des forts de Hué en Indochine par les troupes françaises. C'était une histoire qui, a priori, ne pourrait intéresser que peu de gens, mais en réalité qui était intéressante en ce qu'elle a donné lieu à un scandale médiatique, puisque sur un des 7 bateaux qui conquiert les forts de Hué, donc prélude de toute la conquête de l'Indochine, enfin du Vietnam actuel, par les Français en 1883, se trouvait Pierre Loti. Pierre Loti avait été missionné par le Figaro pour faire un reportage de cette campagne militaire, comme ça se faisait d'ailleurs beaucoup. Loti avait beaucoup participé aux journaux, notamment aux journaux illustrés, parce qu'il dessinait très bien. Et cette bataille, à l'issue de 30 ans de progrès décisif de l'armement, première bataille où les marsouins, l'infanterie de marine bénéficient de fusils à répétition avec des bateaux cuirassés qui bombardent intensément les forts avant le débarquement. Cette bataille, elle fait 1500 morts. Et Loti raconte ce qu'il voit, c'est-à-dire les marins devenant fous de cruauté, la façon dont on exécute les blessés. Les captifs, les blessés. Les marins perdant la tête, dans une logique que connaissent bien les spécialistes du stress post-traumatique. Lui décrit tout ça. Et les trois premiers de ces textes sont publiés en première page du Figaro. Et au troisième texte, on demande à Loti de revenir d'Indochine. Il croit d'ailleurs à ce moment-là qu'il va être radié de la marine. Et il y a un scandale. Et ce qui est intéressant, c'est que des scandales sur les carnages, disons, ou les massacres qui sont commises par les Européens outre-mer, en fait, ces scandales, on les a oubliés aujourd'hui parce qu'on retient en réalité l'histoire de la conquête, mais il y en a eu énormément tout au long du XIXe siècle. Donc, ce que j'avais proposé de faire, c'est dans ce petit livre, qui était assez bref, c'était de se placer du point de vue de Pierre, du point de vue de Loti, et de se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un peu un mystère, parce que Loti est respectueux de l'ordre. Ce n'est pas du tout un anticolonialiste. En se plaçant de son point de vue, en écrivant de son point de vue, mais tout en conservant le plus possible la fameuse neutralité axiologique des historiens, hein, ne pas prendre parti, essayer de comprendre. On s'est demandé, on ne sait pas très bien où classer Loti. Est-ce que c'était le dernier des romantiques, ou est-ce que c'était un naturaliste, un réaliste, disons, on commence à parler de naturalisme. Et donc du coup, s'il provoque cette émotion, est-ce qu'il provoque cette émotion parce que c'est un écrivain et qu'il est parfaitement capable de mettre des mots sur les choses qu'il a vues, et donc c'est la réalité vraie qu'il nous montre, comme le ferait un réaliste ou un naturaliste. Ou est-ce qu'au contraire, parce que c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit à partir de ses lectures passées, et on peut retrouver dans son texte des figures qui sont des figures de l'Iliade ou des figures de Salammbô, et que finalement, précisément pour cette raison-là, il nous ment. Et la question qui est derrière, c'est à cette époque où il n'y a pas encore de photographie de guerre, ça commence à peine, où il n'y a évidemment pas de cinéma, tout ce qu'on veut, où on sait que les images sont dessinées, et souvent par des gens qui n'étaient pas sur les lieux, qu'est-ce que c'est que ce texte-là? Est-ce que c'est une fenêtre ouverte sur une réalité qu'on ne peut pas voir depuis la France? Ou est-ce que c'est un mensonge? Et Loti, qui ne s'attendait tellement pas à susciter un scandale, qui ne s'attendait absolument pas à ce qu'on s'imagine que lui-même était critique vis-à-vis de l'armée, ne comprend pas ce qui se passe. Et cette mécanique du scandale est plutôt intéressante à étudier. Et encore une fois, ce que je me disais, mais peut-être à tort, c'est que si on prend un petit objet comme ça, qu'on le raconte à partir d'un personnage et un seul, eh bien ok, j'ai peut-être qu'une guerre, et peut-être une guerre très oubliée aujourd'hui, c'est peut-être pas la principale des guerres du XIXe siècle, mais par contre le scandale, la mécanique du scandale que je peux démonter, elle permet peut-être de comprendre aussi ce qui s'est joué dans des tas d'autres scandales de l'époque. Est-ce que le XIXe siècle est une période où de nouvelles notions entrent en ligne de compte, la notion du XIXe siècle, mais cette notion également de l'ailleurs, et le voyage, c'est quoi? Alors que les cartes, au contraire des temps passés, sont de plus en plus écrites. Il y a de moins en moins de traces blanches sur la planisphère, si je ne m'abuse. Non, en fait, on pourrait dire le contraire. On pourrait dire qu'il y en a de plus en plus. Ah, il y en a de plus en plus. Si vous prenez des cartes, qui étaient d'ailleurs assez peu publiques, hein, c'était souvent des cartes d'État, mais si vous prenez des cartes du XVIe ou du XVIIe siècle, si on prend des cartes de l'Afrique, par exemple, il n'y a pas de taches blanches. Les cartographes n'ont aucun problème à remplir le continent africain d'un tas d'objets, de lieux, de montagnes, d'animaux, d'hommes, de maisons, dans des endroits où... Personne n'est jamais allé. Enfin, eux ne sont pas allés, en tout cas. Eux ne sont pas allés. Et c'est précisément dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu'on décide d'enlever tous ces petits personnages-là pour mettre à la place du blanc, pour identifier les lieux qu'on ne connaît pas. Et ce blanc, il a évidemment une fonction socratique, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Il est appelé à être détruit. Une fois qu'on a créé ce blanc-là, c'était à la fois l'ignorance, mais aussi le désir de savoir. Donc ce blanc, quand on le met en place sur les cartes, il doit disparaître. Donc l'idée que le blanc va disparaître est en réalité contemporaine du blanc. Un jour, il n'y aura plus de blanc sur les cartes. Alors en général, c'est ce que les gens disent vers 1900. On avait le dessin des principales côtes des continents et des principales îles dès les alentours de 1800. Ce qui est resté jusqu'aux années 1900, c'était pour une part les pôles, où là demeurait un inconnu total, et puis l'intérieur des continents. L'inconnu se réfugie à ce moment-là au cœur des continents. Et c'est ce qui va lancer toutes ces associations, African Association de Londres, Société Géographique de Paris, qui vont avoir pour mission précisément d'envoyer sur place des Mungo Park, des René Caillé, dont l'objectif est de réduire les taches blanches des cartes géographiques. Autour d'une figure qui serait le voyageur, on a l'impression d'avoir plusieurs personnes qui seraient sur les épaules les uns des autres. Parce qu'il y a l'écrivain, il y a le voyageur, il y a déjà, comme vous le disiez l'autre jour, la notion de l'aventurier. Est-ce qu'il y a un ordre à ça, un ordre qui serait, je dirais, ça démarre par qui et puis qui va sur les épaules de l'autre ? Oui, il y a un ordre. Alors, on pourrait dire que j'avais essayé de mettre en place, mais enfin, qui vaut ce qui vaut. On pourrait dire qu'il y a d'abord le pèlerin, puisque les premiers grands guides de voyage sont des itinéraires de pèlerinage qui remontent à la fin du Moyen-Âge, avec un régime particulier de voyage, hein, puisque c'est l'angoisse du pèlerin, c'est de succomber aux tentations de la route. Son illégitimité vient du fait que Dieu est partout. Donc, finalement, pourquoi bouger ? Pourquoi est-il là ? Ouais. Dieu est partout, mais il est vrai qu'il s'est davantage manifesté à Jérusalem, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est ce qui justifie les pèlerinages. En tout cas, aux yeux des catholiques, hein, puisqu'ils sont extrêmement critiqués à partir du XVIe siècle par les protestants. La deuxième figure qui arriverait derrière, ce serait le voyageur. En gros, ce voyage utile et raisonné des humanistes de la Renaissance, ce voyageur qui part pour revenir et dans un but d'accroissement des connaissances, les siennes propres, et on parlera seulement de voyageurs, ou celles du monde entier, et on parlera à partir du XIXe siècle d'explorateurs. Ça sous-entend qu'on fait une distinction avec ce que le voyageur a pu être autrefois de voyageur marchand. On voyage pour la marchandise. Oui, parce que en fait, ça c'est quelque chose que dit très bien. Je suis allé un peu vite là, mais cette deuxième figure, si vous voulez, après le pèlerin, c'est une figure qui est un peu présentée par Rousseau dans l'essai sur l'inégalité parmi les hommes. Il dit il y a quatre sortes de voyageurs les soldats, les marins, les marchands et les missionnaires. Il dit « Aucun de ces quatre types de voyageurs n'est préoccupé par les connaissances. » Ou plus exactement, les missionnaires le sont un peu, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la connaissance des intéressés. Donc ce que demande Rousseau au milieu du XVIIIe siècle, c'est qu'advienne un cinquième type de voyageur que lui appelle le voyageur philosophe. Et ce voyageur philosophe, dans la logique de l'anthropologie des Lumières, va se spécialiser, au fur et à mesure des décennies, en toute une série de types de voyageurs. C'est-à-dire là où il y avait au milieu du 18e un naturaliste, par exemple, au milieu du 19e, vous aurez des anthropologues, des zoologues, des paléontologues, des spécialistes de chacune des branches d'une science en voie de spécialisation. Mais malgré tout, même si je prends l'exemple de Rousseau au milieu du 18e siècle, cette idée qu'on voyageait pour acquérir les connaissances, c'est pas lui qui l'invente. C'est plutôt un mouvement général qui prend forme à partir de la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes. Ces voyageurs qui prétendront partir d'Europe pour aller dans des lieux inconnus des Européens et en rapporter des connaissances radicalement nouvelles, ce sont ces gens-là qu'on désignera au XIXe siècle comme des explorateurs. Et puis là, le dernier tard venu dans l'histoire du voyage, après, disons, les pèlerins et les voyageurs, c'est le touriste qui voyage dans un but de plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que les voyageurs des siècles précédents n'éprouvaient aucun plaisir en voyageant. Mais ça n'était pas légitime. Ce qui se crée avec l'invention du tourisme, et même si dans un premier temps ça ne concerne qu'une petite élite sociale, c'est cette idée qu'on peut partir uniquement dans le but de jouir du spectacle du monde. Et bientôt, une industrie va être organisée pour ça. Alors d'abord, on crée ce terme nouveau, qui est d'ailleurs assez vite ressenti comme grotesque, puisque le touriste, c'est celui qui va à la fois partir pour jouir du spectacle du monde, mais qui sera incapable de proportionner ses efforts à ses besoins, si on veut, et qui passera finalement toujours à côté du spectacle du monde, avec toute une série d'histoires cocasses qu'on raconte depuis la fin du XVIIIe siècle, notamment sur les Anglais. Donc, cette industrie, les agences de voyage qui émergent à partir des années 1850, l'industrie hôtelière hein, dont la Suisse fournit le modèle, et puis des trains de plaisir qui se mettent en place à partir du milieu du 19e siècle, toute une série de choses. Et puis ce touriste va contaminer les autres figures. C'est-à-dire qu'à partir des années 1870, même l'Église acceptera qu'on soit et pèlerin et touriste. Alors le journaliste, sur quelles épaules va-t-il se poser ? Est-ce qu'il est dans un étage intermédiaire ? Vous dites qu'il y a des idées qu'il faut un petit peu changer en termes de représentation. Ça serait cette espèce de 19e siècle coupé un petit peu en deux, où le journaliste du début du 19e est une sorte de casanier littéraire qui reste chez lui et puis écrit le monde à force d'imagination. Alors que dans la deuxième partie, c'est un professionnel du déplacement, au fond le prototype de ce qui va devenir après le en l'envoyé spécial ou le grand reporter. Assez tôt, les journaux et les revues d'ailleurs aussi prétendent être des portes ouvertes sur l'ensemble du monde et demandent à des gens qui partent loin de leur renvoyer des lettres. Reporter, c'est un mot qui fait son apparition dans la langue française dans les promenades en robe de Stendhal, on est en 1829, qui dit que certains journaux anglais publie des lettres d'Italie que leur envoient leurs reporters. C'est donc lui qui a introduit le loup dans la bergerie et tous ces anglicismes qui nous environnent. Pour les happy few qui vont devenir de plus en plus nombreux. Donc ça, ça se met en place assez vite. Et puis c'est vrai que c'est consubstantiel au journal. C'est-à-dire que le journal, il a deux fonctions assez rapidement. Il est pour partie une conséquence de la parlementarisation de la vie politique. En gros, il s'agit de porter au-delà de l'enceinte parlementaire les débats qui sont à l'intérieur du Parlement. Et donc, dans un premier temps, évidemment, on ne prétend porter ces débats qu'à ceux que ces débats intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont capables de voter pour les dix parlementaires. C'est en théorie les hommes, et ensuite une certaine élite sociale. Ça explique la forme un peu particulière, hein, notamment de ces éditoriaux de l'époque qu'on appelle des premiers paris qui reproduisent l'éloquence parlementaire. Mais aussi par le fait qu'il est vendu par abonnement, que vous le recevez d'abord par la poste à cheval et ensuite par le chemin de fer, il est aussi le médiateur entre deux espaces qui sont très très loin. Et donc de ce point de vue-là, il appelle forcément un imaginaire du voyage. Quand on crée la case feuilleton du journal aux alentours de 1900, c'est-à-dire ce rez-de-chaussée du journal dans lequel on va retrouver le roman feuilleton, ce qu'on trouve très vite dans cette case feuilleton, ce sont des récits de voyage, et c'est logique. Voyage payé par le journal ? Alors certains, oui. Certains, pas certains, tous. Certains, oui. Georges Sand, Chateaubriand se font payer leur Chateaubriand quand il part à Jérusalem. Ces lettres sont censées être publiées dans le Mercure de France, me semble-t-il. Donc ça vient assez vite. Alors la deuxième étape, là où les choses vont un petit peu changer, c'est quand vont apparaître progressivement les correspondants de guerre. Ce grand siècle, entre 1815 et 1914, où l'Europe exporte la guerre hors de ses frontières, il y a quelques moments où la guerre fait retour à l'intérieur de l'Europe. C'est le cas avec les guerres d'Italie de Napoléon III, 1859-1860. Ça revient ensuite avec la Sadova, la bataille entre l'Allemagne et l'Autriche en 1866, et puis bien sûr la Grande Guerre franco-prussienne de 1870-1871. Mais c'est à peu près tout. Dans ces trois cas, on voit des correspondants, qu'on n'appelle pas comme ça d'ailleurs, hein, des gens qui, par exemple, quelqu'un qui publie dans les journaux en 1859 et qui raconte les lettres d'Italie, s'appelle lui-même touriste. Il est en Italie, comme beaucoup de gens vont faire du tourisme en Italie. Bon, mais là, il est au moment des batailles de Solferino et de Magenta, et il fait une sorte de tourisme des champs de bataille. Et ça, à partir des années 1870, on parlera de grands reportages politiques et militaires. Et ce ne sera plus tout à fait les anciens reporters dont parlait Stendhal. Et ça s'articule assez étroitement avec la question de la guerre. On ne dit pas encore correspondant de guerre ou reporter de guerre, c'est des choses qui vont arriver un petit peu plus tard, mais enfin, ça se passe comme ça. On lui demande, à ce correspondant, la plus grande exactitude possible et surtout de porter témoignage de ce qu'il voit, de ce qu'il a devant les yeux. Je repense par exemple à ce que vous disiez à propos de Pierre Loti. Est-ce que Pierre Loti est libre de dire, ou il est très difficile de le mesurer, libre de dire ce qu'il voit ? Non, là, c'est d'ailleurs, c'est compliqué de savoir qui a été le premier correspondant de guerre, hein. Mais en France, un des premiers en tout cas, pendant la guerre de Crimée, en 1854-1855, s'appelle Henri Durand-Brager. En fait, c'est un peintre qui est embarqué dans la marine française et que le journal Illustration, un des premiers journaux illustrés français qui existe depuis 1843, rémunère pour lui envoyer un peu de texte, mais surtout des scènes de la guerre. Alors ce sont surtout des scènes de la vie des camps, puisque la guerre de Crimée, c'est essentiellement un long siège. Cet homme-là, évidemment, Durand-Brager, il faut comprendre que comme Pierre Loti, d'ailleurs, plus tard, il est, on dirait aujourd'hui, « embedded ». Il est embarqué dans l'armée française. Donc, bien sûr qu'il n'est pas complètement libre de ce qu'il va raconter. C'est pour ça que c'est cette idée d'un correspondant qui serait absolument libre. Alors, les Anglais prétendent l'obtenir avec Russell, qui, lui, est envoyé au même moment dans la guerre de Crimée, pour le Times, mais sans être embarqué dans l'armée anglaise. Mais là aussi, c'est moins net que ce qu'on pourrait penser dans les faits. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 1870, ce qu'on va voir apparaître, c'est une forme d'héroïsation de ces hommes-là. L'image émergente, en l'occurrence l'illustration, va-t-elle favoriser justement ce profil-là, cette stature-là? Oui, ça va y contribuer un petit peu. Quand on voit Durand-Brager, par exemple, pendant la guerre de Crimée, se représenter lui-même dans une tranchée, en train de dessiner, avec un fusil à ses côtés. Donc il y a une forme de mise en scène de son corps à lui et du danger, avec cette carabine à côté, et lui en train de dessiner, mais dans une position qui nous paraîtrait aujourd'hui très archaïque. Il est quand même debout, il n'est pas en train de... Il regarde la ligne bleue des Vosges. Il regarde l'horizon pour dessiner ce qui se passe de l'autre côté de la tranchée. Et puis, il est vrai aussi que cette image joue un grand rôle. Donc, ces illustrations qui se développent de façon considérable à partir des années 1830, on va les retrouver dans la littérature, et notamment la littérature pour les enfants. Les deux premiers personnages de fiction qui incarnent ce modèle héroïque du correspondant de guerre, c'est dans Michel Strogoff de Jules Verne en 1876. C'est cet Anglais qui s'appelle Harry Blount et ce Français qui s'appelle Alcide Jolivet. Harry Blount et cet Alcide Jolivet sont les vrais aventuriers du livre de Jules Verne, puisque Michel Strogoff, lui, il a juste une mission qui lui est confiée par le tsar. À la fin du livre, Jules Verne nous dit que Strogoff, qui a retrouvé la vue, qui a retrouvé la belle Nadia, est parvenu à une haute situation dans l'Empire russe. Son histoire est finie. Alors que les deux autres, à ce moment-là, hop, ils embrayent, ils partent sur la Chine où on leur annonce d'autres guerres. Ils se font engueuler par le rédacteur en chef. Enfin, oui, la vie ordinaire du journaliste, quoi. Vraiment le début du moment où on héroïse cette profession. Et d'ailleurs, pour Jules Verne, quasiment toutes les ouvertures et finales de ses ouvrages, la presse y est plus ou moins, une presse internationale qui plus est. Oui, c'est quelque chose qu'on peut montrer assez facilement si on prend toutes les fins du roman de Jules Verne. Il nous les date à l'année, au mois et au jour près, comme le ferait un journal. Oui. Et il met en scène, alors c'est frappant évidemment dans ses aventures interstellaires, de la Terre à la Lune ou autour de la Lune, mais même dans d'autres de ses livres, il met en scène la rotondité du monde et la force des moyens de communication. Et en particulier de ce moyen de communication sans lequel il est très difficile de penser les reporters au XIXe siècle, le télégraphe électrique. Parce que c'est vraiment à partir du moment où se mettent en place ces télégraphes électriques que surgit cette idée d'une information qui pourrait être une information immédiate et une information neutre. C'est cette idée que la brève télégraphique, qui apparaît dès les années 1840, disons, elle nous renseigne immédiatement sur ce qui s'est passé exactement à l'autre bout du télégraphe. Ma dernière question, Sylvain Vénère, est-ce que par la présence de l'illustration, lors même qu'il existe, on peut presque dire une histoire écrite de l'horreur qui irait de Goya à Autodix, est-ce que les illustrations évoquent les quelques rares guerres européennes par le trait de l'horreur, ou bien a-t-on affaire à globalement à un dessin assez naturellement soit académique, ou si le sang coule, il ne sera jamais gore, épouvantable, ou strictement caricatural. En ce qui concerne cette partie des atrocités que sont les exécutions, les crimes, les tortures, on voit à peu près tout. Ah oui. Et ça se reproduit avec l'avènement des procédés de photogravure, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'illustration émerge en tant que mot nouveau et technique nouvelle aux alentours de 1830, mais la photo est inventée en 1839. Mmh. Donc très très rapidement, même si les procédés de photogravure ne sont pas au point, très très rapidement, les journaux prétendent que leurs dessins sont soit dessinés d'après un témoin des événements, soit reproduits d'après photographie, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Et donc cette illusion de l'objectivité de l'image, il est très difficile de s'y soustraire au XIXe siècle. Si je puis me permettre. Mais non, je crois qu'on est un peu éduqué à l'image. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un cadrage, on sait ce que c'est qu'en plus maintenant, on se méfie vraiment des retouches, qui existaient d'ailleurs déjà au XIXe siècle. Mais c'est un petit peu comme pour Pierre Loti, c'est-à-dire que de toute façon, montrer l'horreur, montrer l'atrocité, ça procède de traditions esthétiques différentes mais convergentes, que vous vous réclamiez du réalisme ou du romantisme. Donc tout ça, on le voit. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les viols. Même si les textes en parlent. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à montrer. On a beaucoup de mal à les montrer autrement que pouvait le montrer, par exemple, la peinture, si vous pensez à la scène des massacres de Kyo de la Croix, à propos des massacres des Philhellènes grecques en 1823, de la Croix suggère le viol. Mais on n'ira pas plus loin que ça. Si la question vous intéresse, oui. Les 4 et 5 juillet prochains à Paris, j'organise un petit festival d'histoire dont le thème est « Comment la presse rubrique le monde ?» et qui fait une histoire des différentes rubriques de presse, et la façon dont chacune de ces rubriques a essayé de donner, ou pas d'ailleurs, à voir le monde au lecteur. On va faire un petit livre aux éditions Anna Mosa sur cette question-là, avec Marie-Ève Terenti. Le livre paraîtra pour le festival, début juillet. Je me charge, à titre personnel, de la rubrique de l'illustration, mais on peut voir ça aussi très très bien avec des rubriques aussi variées que la dépêche télégraphique, le premier Paris, le reportage évidemment, mais aussi des rubriques plus inattendues comme la rubrique boursière, la chronique judiciaire, l'horoscope. On va organiser ce festival dans l'ancien quartier de la presse de Paris, qui est un peu célèbre à cause de la rue du Croissant, parce que Jaurès a été assassiné rue du Croissant alors qu'il travaillait à l'Humanité. Mais pourquoi est-ce que les journalistes se sont rassemblés dans le quartier des Grands Boulevards? Alors que traditionnellement à Paris, l'imprimerie est rive gauche, puisque c'est rive gauche qu'a l'université. Vous avez la réponse? Oui, la réponse, c'est ce sont les voies de communication. C'est-à-dire que rive droite se trouve la poste centrale, d'où arrivent dans un premier temps déjà les abonnements étrangers, d'où partent les abonnements français, une époque où la presse n'est vendue que par abonnement, et où arrive très très rapidement le télégraphe. Il y a la bourse qui n'est pas très loin. Et la bourse est très demandeuse d'informations, et des informations les plus rapides possibles. Donc d'informations télégraphiques, c'est pas un hasard si aujourd'hui encore, l'agence France Presse se trouve en face de la bourse, alors qu'elle est l'héritière de l'ancienne agence Havas, qui s'était installée à côté de la poste centrale dans les années 1830. Si vous n'avez pas été convaincu, c'est à désespérer. Donc après avoir écouté passionnément Sylvain Vénère, je vous renvoie à la lecture. Faites donc votre propre attaché de presse, un ou deux parmi vos derniers bouquins. Vous écrivez quand même des pavés. Bon, alors, un ou deux livres. Pour varier, vous pouvez regarder la Balade nationale, le premier volume de l'histoire dessinée de la France. Ça, c'est de la bande dessinée. Et puis Une guerre au loin, le petit livre sur Pierre Loti. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire vivante. Afin de poursuivre cette thématique, nous évoquerons demain le parcours et la carrière de Robert Fisk, journaliste et grand reporter indépendant, une sorte de globe-trotter, dans la perspective du portrait qui lui est consacré dans le prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir depuis lundi sur le site des docs de la RTS ou encore dimanche soir sur RTS2. Cette semaine est réalisée par Christian Morero. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero.